Rat, vol, ennemi, en caval, ennemi, ça sera val, ennemi, rat, rat sur les ennemis, ça brat, vol, ennemi, en caval, ennemi, ça sera val, ennemi, rat, rat sur les ennemis. J'embrasse la guine sur le bout des lèvres. Du chemin droit, je suis mauvais élève. Embrayage, le guidon s'élève. Stop le shit, ton esprit s'élève. Je suis connu, mec, je suis pas célèbre. Du quartier, mec, je suis pas sélect. Bien coaché, je mets les bandelettes. Gros crochet dans tes dents de lait. Lire 15 heures sur une eau de mare. Manque d'argent, je fais des cauchemars. On veut pas de tes fausses marques. Chute, c'est fauve que la fausse marque. Gros braquage en fausse plaque. Débalance des ennemis. Passe tout talk, Biggie, Tupac. Je suis dans le rap à la ennemi. Ça braque, vol. Ennemi en caval, ennemi, ça sera val, ennemi, rat, rat sur les ennemis. Rat, vol, ennemi en caval, ennemi, ça sera val, ennemi, rat, rat sur les ennemis. Faut-il vraiment qu'on se tire dans le dos? Viens voir où je traîne, ça fait comme dans Blo. Marseille c'est chaud, les gens sont des terres. Imagine tu réunis Pablo et Django. Ramène ta folle, tu fais danser le tango. Un peu de muscle qui me fait le Rambo. Ça vole en kangou, RDV au wrestler. Pour bien manger, ben faut bien le cambo. J'ai voulu te montrer, pourtant t'as fait un soleil. Contre mes soins avant de trouver le sommeil. Les chutes passent dans le décor comme des héros. Ces fils de pute font des prises de sommeil. Faut que je reste honnête pour ceux qui veulent me connaître. La pointe à fond vert, tu connais la connecte. Viens pas me gratter, je suis pas ton collègue. Dédicace aux guetteurs, ce qu'on fait de relève. J'aimerais revenir en arrière. Dans ce monde, on a rien sans rien. À chaque seconde, je pense aux galères. Voir ce qu'il faut faire pour avoir un salaire. J'aimerais revenir en arrière. Dans ce monde, on a rien sans rien. À chaque seconde, je pense aux galères. Voir ce qu'il faut faire pour avoir un salaire. Brat, vol, ennemi, en caval, ennemi, ça sera val, ennemi, rat, rat sur les ennemis. Brat, vol, ennemi, en caval, ennemi, ça sera val, ennemi, rat, rat sur les ennemis.